ça. Désolé, le producteur ne veut pas de ça. Alors il t'oblige de faire les paroles comme ça. Ça devient de la soupe et du n'importe quoi. Laisse-toi aller, ne te fais pas dicter. Te laisse pas censurer, ne sois pas formaté. Tu veux rester un nez, tu te fous de la monnaie. Tu veux rester comme ça, ne pas être formaté. Qu'on sonore ou au sud ou à l'est ou ici, je ne passerai pas au fut pour avoir plus d'amis. Qu'on sonore ou au sud ou à l'est ou ici, c'est la musique de merde que l'on trouve en maladie. Bienvenue dans un monde où c'est la grosse hypocrisie. Bienvenue sur la terre et on n'est pas au paradis. Avant, le temps des images semblait être plus naturel. Ça se met en tableau de ce putain lutté. Qu'il y a tant de procédés pour que l'info soit manipulée. Mais c'est le pas possible, je préfère éteindre la télé. Maintenant, le temps de la merde est aujourd'hui notre réel. C'est pas la même façon, c'est pas le temps des merveilles. Alors, dans un monde de l'humain, c'est la grosse poubelle. Les boutons sont nés, tout le monde assemblé.